Acteurs de l'énergie. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. 90% des marchandises que l'on consomme, des produits industriels, mais des produits de consommation, qui circulent en fait par le biais notamment des grands porte-conteneurs. Cette semaine, des règlements et des vagues. Le désordre, il provient essentiellement du fait qu'on a une multitude de textes épars. Mais il faut bien voir que la portée d'une convention internationale, un traité, donc signé entre des États, et ce désordre provient du fait qu'en fait, il n'existe pas de droit des transports internationaux réellement uniforme. Les crimes existent, les crimes contre les êtres humains, eh bien, il faut juste prendre en compte le fait que des crimes contre l'environnement sont éventuellement envisageables aussi. Comme pour la responsabilité civile, on indemnise des dommages qui concernent des personnes, eh bien, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des dommages qui concernent également l'environnement. Du code à la pratique. Quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le nombre de conteneurs perdus en mer par an, mais absolument phénoménal, et en particulier dans le rail de la Manche, qui est vraiment l'autoroute de la mer européenne. Et pas sur chaque voyage, mais il y a des conteneurs perdus aux mers, avec le problème de savoir si ce sont des déchets ou pas des déchets. La conteneurisation, c'est un phénomène absolument majeur. Ça nous permet aussi d'être approvisionnés, nous, consommateurs, quasiment en continu, sans rupture, avec des volumes extrêmement importants qui vont du micro-ordinateur à la paire de chaussures. Le commerce en mer. Celui qui est à Marseille donne des ordres, celui qui est dans l'Empire ottoman doit les exécuter. En l'échange, il perçoit une commission, c'est un droit en général de 2 ou de 3% sur les marchandises qui transitent entre ses mains et il se rémunère. En droit maritime, qu'est-ce qu'une avarie commune ? Quel type de perte donne lieu au jeu de la loi rhodienne ? Quelles personnes sont appelées à la contribution et sur quelles marchandises ? Quid si des marchandises ont pu être cependant recouvrées ? Que se passe-t-il quand des biens sont perdus en mer ? Qui est responsable et qui doit payer ? Comment se constitue le droit romain ? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées ce soir avec notre invité. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oh, sans difficulté, je m'appelle Dominique Gourier. Je suis maintenant en retraite, mais j'ai été enseignant d'histoire du droit à la faculté de Nantes. Et mes spécialités particulières ont été assez diverses. J'ai beaucoup travaillé sur le droit chinois impérial, sur le droit musulman, mais également sur le droit romain parce que je suis latiniste et que je suis un des rares romanistes de ma faculté à connaître le latin et à pouvoir le lire. Et puis beaucoup aussi sur le droit maritime, l'histoire du droit maritime et l'histoire du droit international parce que j'ai fait le seul volume qui existe en langue française d'une histoire du droit international. Bon, je dis ça en me vantant un petit peu, mais je crois que c'est effectivement le seul. Alors nous allons parler, Dominique Gourier, de droit maritime. Ça tombe bien parce que alors vraiment je suis dans l'inconnu le plus total. Et on va commencer par le commencement. Dites-nous donc ce qu'est une avarie commune. Après on remontera dans le temps. Or l'avarie commune, c'est ce qui est mis à charge de l'exploitant du navire qui va donc considérer qu'il y a une charge commune qui doit être supportée par le navire et la cargaison en cas de perte subie pour sauver le navire. Navire et cargaison, les deux. Ça veut dire que l'armateur y est partie prenante et que les chargeurs ils sont partie prenante. C'est donc une loi qui est appliquée aujourd'hui en droit maritime sur toutes les mers ? Ah oui, oui, oui, oui, oui. Et la grosse difficulté pour les tribunaux, lorsqu'il y a justement des contestations à cet égard-là, aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est de savoir si le fait qui a généré la demande est classé comme avarie commune, donc avec une sorte de partage des charges, ou si c'est une avarie particulière, c'est-à-dire qui doit être supportée par celui qui a causé la charge. Quand on est face à des phénomènes naturels du type tempête ou autre, on se tourne vers qui ? Normalement, vous avez, face à des tempêtes, lorsque la tempête, et je vois notamment par rapport aux porte-conteneurs, les porte-conteneurs sont mis à charge de la collectivité. Parce que bon, bah, c'est des pertes. Voilà, c'est des pertes. Alors là, on a parlé, Dominique Gorier, du temps présent, mais cette avarie commune portait autrefois un autre nom. Ça nous remonte à facilement avant-hier, pour pas dire la semaine dernière, voire même un petit peu plus longtemps. On pourrait dire, si on racontait ça comme une histoire, que tout commence à Rhodes. Tout commence à Rhodes. Ou disons dans l'Orient méditerranéen. Alors Rhodes, parce que c'était une grosse île commerciale et qu'on a sans doute rattaché à Rhodes ce qui était une pratique de l'Orient méditerranéen. Grosse île commerciale et même une sacrée... Ah ben tout à fait, comme vous dites d'ailleurs, une thalassocratie. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, une vraie puissance maritime. Et il s'est trouvé que les Rhodiens, alors s'agit-il d'eux ou d'autres, mais la pratique s'est instituée de faire supporter à ceux qui avaient sauvé leurs marchandises les pertes subies par ceux dont on avait jeté les marchandises pour sauver le navire et la cargaison. C'est une pratique dont on sait qu'elle a été empruntée par les Romains à partir de ce qu'ils appelaient le droit des gens, c'est-à-dire en gros le droit pratiqué par les peuples, et qu'ils ont fait leur, mais en le passant à travers la méthode propre de leur droit romain, qui est un droit casuistique exclusivement fondé sur les actions judiciaires. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Dominique Gorier, historien en droit. Dominique Gorier, nous sommes ensemble pour parler de droit. Vous avez notamment fait paraître aux excellentes presses universitaires de Rennes le droit maritime romain. Et nous avons l'occasion de parler d'un droit particulier, d'une loi particulière, bien que vous ayez eu à cœur de nous préciser qu'il ne faut pas entendre par loi un document qui soit véritablement écrit, mais quelque chose qui finalement, par le bon sens en quelque sorte, se constitue. Son histoire vient de l'île de Rhodes, qui est à un moment une puissance maritime non négligeable. Le droit romain, nous on a cette résonance de l'expression même du droit romain. On se dit le droit romain, c'est quasiment c'est un pilier. C'est un peu faux la représentation que l'on a du droit romain, et l'exemple là est parfait pour le situer, parce que si Rhodes est très en avance sur le plan des questions maritimes, c'est pas le cas de Rome. Non. Rome est en retard. Ah, Rome est très en retard. Rome est très en retard. Le peuple romain, c'est un peuple de paysans, faut pas l'oublier. Et puis des paysans qui ont les pieds ancrés sur terre. Ils ne vont véritablement commencer à s'intéresser à la mer qu'à l'occasion des guerres puniques. Lorsque Carthage a voulu imposer une sorte de thalassocratie sur le bassin romain, si vous voulez, qui comprenait la Sicile et le sud de l'Italie, qui était en général peuplé par des Grecs, des populations hellénophones, et non pas des populations romaines. Alors, avec les conquêtes, bien sûr, Rome va éliminer Carthage, mais pour ça, il faut apprendre à construire des bateaux. Qui vont-ils aller voir ? Eh bien, tout simplement les gens qui savent les faire, c'est-à-dire les Grecs du sud de l'Italie. Ils vont apprendre chez eux la technique de construction des bateaux. Et ils vont assimiler progressivement des pratiques qu'ils n'avaient pas. Et ce qui est assez particulier, c'est de voir que la thalassocratie, finalement, après, lorsque l'Empire sera créé, c'est la thalassocratie romaine. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris les leçons qu'on leur a données et qu'ils sont parfaitement capables de remplacer les anciens qui voulaient prétendre à dominer ces régions-là. Alors à la Mare fois, Nostrum, hein, la Méditerranée. Apprendre à construire et puis aussi s'inspirer des réglementations. Et ils ont avalé et aspiré, oui, comme vous le dites, les réglementations. Alors ces réglementations, on ne les retrouve exprimées qu'à travers des extraits que l'on possède encore aujourd'hui de la littérature de la fin du second et du troisième siècle de notre ère. C'est une littérature qui a été faite à partir d'extraits choisis, sélectionnés, à l'époque de Justinien, c'est-à-dire au VIe siècle de notre ère. Et il a construit une sorte d'encyclopédie de cette littérature classique, avec le désir de faire renaître une forme de romanité dans un empire qui devenait byzantin, parce que Justinien parle grec. Et cette collection l'appelle le digeste. Digesta, c'est-à-dire suite d'extraits. Un digest, si vous voulez, en anglais. Et on a la trace de beaucoup d'ouvrages qu'à travers ce qui nous en a été conservé dans cette collection. Et pour la loi rhodienne, c'est un extrait du commentaire sur le livre du prêteur du jurisconsulte Paul, qui est un jurisconsulte du IIIe siècle de notre ère, qui nous explique le mécanisme de la loi rhodienne du jet. De la même manière qu'il y a eu à un moment les commentateurs qui, d'une certaine manière, vont relire les coutumes et les réinterpréter d'une certaine façon, est-ce que déjà le phénomène comprend une part identique au moment où les Romains le font, ou bien c'est une copie pure et simple? Ils ont emprunté, ils n'ont jamais hésité à emprunter tout ce qui leur paraissait utile. Ils l'ont transformé d'une certaine manière en le calant sur leur manière de concevoir le droit. C'est-à-dire, c'est un droit qui n'est fondé que sur des actions en justice. En gros, on ne peut défendre son droit que lorsqu'on a une action qui correspond à la défense de ce droit. S'il n'y a pas d'action, pas de droit, tout simplement. Qu'est-ce que vous entendez par action ? Alors, une action en justice, c'est-à-dire le prêteur, qui est un magistrat romain élu pour un an, présentait face à de nouvelles situations qui se proposaient, voilà, on est confronté aujourd'hui à tel problème, quelle solution va-t-on pouvoir lui donner ? Je propose donc d'instituer une action pour défendre cette situation, une action en justice. Est-ce que cette proposition, pour peu que vous le sachiez, Dominique Gorier, fait débat ? Il n'y a pas de débat. Il y aura d'autant moins de débat que, je dirais, à la fin du second siècle de notre ère, à l'époque d'Adrien, on a codifié l'édit du prêteur. C'est-à-dire qu'on a repris l'ensemble des dispositions et que l'on a classé sous des titres particulier. Ce qui fait qu'on a un code prétorien des actions en justice. Mais on a classé selon quelle logique de... Bon, leur logique, si vous voulez, parce que le mode de classement ne correspond pas à notre logique très cartésienne. Ils l'ont fait en commençant par tout ce qui concernait le cadre juridique des actions judiciaires à proprement parler, et puis ensuite en déclinant les différents types d'actions qui se trouvaient les unes à la suite des autres. Le droit romain, avant qu'on en revienne au droit maritime, est-ce que déjà en son temps, il englobe beaucoup de choses ? Tout. Tout. Tout. Il ne différencie pas, comme notre droit le fait, droit commercial, droit pénal, droit civil, droit maritime, non. Droit romain englobe tout. La seule différence qui existe en droit romain, c'est entre droit civil pur, c'est-à-dire le droit ancien, en gros, le droit des citoyens romains anciens, et le droit prétorien, c'est-à-dire créé par le prêteur, justement, par le biais de ses édits. C'est la seule distinction qui existe. Il n'y a pas de droit public. Alors, bon, il y a des esquisses pour préciser ce qu'est le droit public, ce qu'est le droit privé, mais ça n'a jamais servi aux jurisconsultes de méthodologie pour exposer ce qu'ils avaient à exposer. Ils exposent exclusivement en se fondant sur un cas. Voilà, j'ai telle question qui se pose, comment est-ce qu'on peut la résoudre ? Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Dominique Gorier. Dominique Gorier, on revient avec vous sur le droit maritime romain en nous intéressant à la Lex Rhodia. Alors, un certain nombre de questions sont posées par une loi. Comment répond-on à la question du type de perte, puisqu'apparemment, ça concerne pas toutes les marchandises. C'est-à-dire que certaines marchandises vont être considérées et pas d'autres. Quels sont un peu les critères? Alors, ce sont les marchandises qui sont chargées par les transporteurs. Alors, vous avez des marchandises qui, elles, font partie de l'approvisionnement du navire, qui ne sont pas considérées. Par exemple, la nourriture des... Normalement, oui. Mais chacun vient, en général, avec sa nourriture. Si vous voulez, les chargeurs... Ce sont des marchands qui viennent charger leurs marchandises, mais qui les accompagnent et qui parfois même peuvent s'engager comme matelots sur le navire. Et ça va durer à peu près jusqu'au Moyen Âge. Alors eux, ils viennent avec leur nourriture, ils viennent avec leur frichetille. Voilà, ouais. Ils viennent avec leur tout ce qu'il faut. Avec leur thermos, voilà, si j'ose dire. Ça, avec leur thermos. Ouais. Et en cas de pénurie de nourriture, ils vont partager, ils vont être contraints de partager. Ah oui, parce que ça aussi c'est réglementé. Oui, oui, ça aussi c'est réglementé. Alors c'est-à-dire qu'on met en commun. D'accord, alors s'il y a une avarie quelconque, un naufrage quelconque, et que il jette un marchandise, celle-ci ne peut en aucun cas être considérée comme... Non, elle n'est pas considérée comme... Ce qui est quand même incroyable, parce oui, qu'à la fois ils ont l'obligation de partager, en même temps c'est pas considéré comme marchandise qui... Non, mais... Ils sont obligés de partager en cas particulier de disette sur le navire, lorsque l'approvisionnement fait défaut. Donc là, c'est une obligation, on ne va pas laisser crever les autres, pendant que soi-même on s'empiffre. Bon, en gros, c'est à peu près ça. Alors pour les marchandises, c'est les marchandises chargées pour être transportées, qui vont faire l'objet de la réparation s'il y a lieu. Parce que c'est ces marchandises qui éventuellement... pourront être jetés pour sauver le navire. Alors on va jeter, bien évidemment, celles qui sont le plus commodes à acheter, c'est-à-dire pas celles qui vont se trouver dans la cale, mais éventuellement celles qui vont se trouver sur le pont, s'il s'agit d'un navire ponté. Parce que tous les navires ne sont pas pontés. On va prendre celles du dessus, en gros, et celles qui sont plus commodes à jeter à la mer pour essayer d'alléger le navire et d'empêcher éventuellement qu'il soit l'objet d'une submersion. Or, de la même façon, le navire, des choses du navire même, peuvent être considérées comme passant en avarie commune. Par exemple, s'il faut couper les mâts, parce qu'on n'a pas le temps de descendre les voiles, eh bien, le fait d'avoir coupé le mât passera en avarie commune. Parce que ça a été fait pour sauver le navire comme pour sauver la cargaison. Dans le cas où on jette des esclaves à la mer, si toutefois ça existe, ce sont des biens. Ce sont des biens. Ce sont des biens meubles. Je vous signale que les esclaves sont des biens meubles. Quelles personnes sont appelées à la contribution et sur quelles marchandises? Alors ça, c'est quoi comme question ça, c'est... Alors la question, c'est qui va participer à la réparation qui est due à ceux qui ont perdu leurs marchandises. Ah, parce que ça dépasse simplement celui qui a perdu la marchandise. Ah ben oui, ouais. Tous ceux qui ont perdu leurs marchandises, qui ont été jetés, vont se faire dédommager. Ils vont se faire dédommager par tous ceux dont le jet a préservé les marchandises. Juste une chose, ce geste sur le bateau, il est finalement décidé par le commandant du bateau, par le capitaine. Et par les principaux. Et par les principaux. Et par les marchands, parfois. Qui sont à bord. Qui sont à bord. Donc c'est une sorte de conseil qui se forme avec les principaux du navire, je dirais les sous-officiers, et puis les marchands, on leur demande leur avis aussi. Une autre question qui est posée, c'est comment procède-t-on à cette contribution ? Alors, entre les marchands, il n'y a pas de lien juridique. Les différents chargeurs, il n'y a aucun lien juridique. Le seul lien juridique qui existe entre eux, c'est le patron de navire. On va donc actionner le patron de navire, demander au patron de navire, et par une demande reconventionnelle, le patron de navire va demander à ceux qui ont sauvé leurs marchandises de contribuer. Lui-même. Parce qu'autrement, c'est le patron qui fait le lien entre les marchands. Et lui-même aussi, il participe à cette contribution ? Ah ben dans la mesure où le navire a été sauvé, oui. Et ce alors qui... comme représentant de l'armateur. Parce que le capitaine, celui que j'appelle le patron, il est préposé de l'armateur. Alors il peut être l'armateur lui-même aussi. Cette approche extrêmement concrète, extrêmement pratique, basée finalement sur la réalité des gens, nous paraît aujourd'hui à la fois, bah, évidemment, forcément lointaine, parce qu'on est en train de parler de l'Empire de Rome, mais quand même d'une pratique qui va se poursuivre jusqu'au Moyen-Âge. Mais je dirais encore plus, parce que aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'est complètement extériorisé de ça, qu'on s'est complètement éloigné de ça, au sens où la question de traiter le réel apparaît beaucoup moins. Alors ça dépend à quel niveau vous vous placez, parce que le juge, aujourd'hui, il est confronté au réel. Il a donc une décision à porter sur un cas réel. Or il va se servir pour ça, bien sûr, de la loi, qui va peut-être lui donner une sorte de guide général, de cadre général. Il va se servir aussi des décisions précédentes qui ont pu être rendues sur la question et qui vont peut-être l'aider à former lui-même sa décision. Oui, vous le dites bien, effectivement, c'est dans le domaine du droit. Mais dans le domaine, disons, plus vaste de l'organisation de société et notamment des organisations humaines, et je pense notamment à ce qui fait... Le manuel des ressources humaines, celle-ci, on donne l'impression d'être beaucoup plus éloignée du terrain réel. Lorsque nous enseignons le droit des obligations dans nos facultés, on fait un grand propos bien théorique sur le fondement du droit des obligations, sur la théorie des obligations, et on n'examine pas les contrats, c'est renvoyé à plus tard. Or, le contrat, c'est la réalité de la vie juridique. On n'a rien à faire, finalement, de la théorie des obligations. Les Romains, ils n'ont jamais théorisé. Jamais. Jamais. Eux, quand ils vous parlent du contrat, ils disent, ben voilà, on a tel type de contrat, tel type de contrat, tel type de contrat, exactement comme les Anglais. La théorie, ça leur importe très peu. Ça compliquerait l'existence plutôt qu'autre chose. D'une certaine manière, oui. Histoire vivante, cette semaine, des règlements et des vagues. Suite de l'entretien avec Dominique Gorier, historien en droit. On a encore deux questions pour régler cette lex rodia. La première, c'est quid si des marchandises ont pu être cependant recouvrées. Alors là, évidemment, il va falloir quand même trouver la solution. Oui. Et puis également, la question de la propriété des biens jetés à la mer. C'est-à-dire, je sais pas, un an et un jour se passe, quelqu'un passe par là et récupère quelque chose. Est-ce que ça lui appartient ? Est-ce qu'il y a un bureau des objets trouvés ? Quid des biens recouvrés ? Oui. Celui qui recouvre son bien va se faire actionné par les autres pour rembourser la part de dédommagement qu'il a reçue. Donc, toujours en passant par le biais du patron de navire. Alors, l'évaluation du bien sera faite en fonction de l'état dans lequel le bien qu'il recouvre, bien sûr, va se trouver. Quant à la propriété des biens, il n'est pas question d'un an et un jour. Il y a une condition, si le bien n'est pas considéré comme abandonné, le bien appartient toujours à son propriétaire. Ça veut dire que si vous trouvez un bien échoué, vous avez obligation, effectivement, bon, je ne sais pas si ça s'est toujours fait comme ça, mais la règle dit, vous avez obligation de voir si ce bien n'appartient à personne, c'est-à-dire s'il n'a pas été abandonné. Parce qu'on peut perdre quelque chose sans avoir nécessairement l'intention de l'abandonner. À partir du moment où vous l'abandonnez, là, vous n'avez plus rien à réclamer. Et il appartient au premier qui le prend. Vous disiez, de ce point de vue-là, Dominique Aurier, que cette chose perdure jusqu'au Moyen-Âge, mais à vous entendre là sur ce domaine spécifique de l'objet perdu puis retrouvé, existe-t-il encore aujourd'hui une forme de résonance de... Alors, pas du tout dans le même cadre, mais lorsque vous perdez quelque chose dans un train, par exemple, si c'est un bien meuble, vous avez effectivement, alors il est mis aux objets trouvés, et s'il n'est pas réclamé dans un an et un jour, il peut être effectivement, ça c'est la réglementation moderne, hein, il peut être réclamé par celui qui l'a déposé, aux objets trouvés. C'est beaucoup plus difficile de perdre un bien immeuble, hein, parce que là c'est une prescription trentenaire. Trentenaire, ah oui. Ah oui, c'est beaucoup plus difficile. Oui, on a intérêt à trouver ça assez jeune finalement. Voilà pour c'est espérer ça, en profiter un peu. Dominique Gourier, je rappelle donc le titre de votre ouvrage. Donc, rappelez-le vous-même d'ailleurs, c'est vous l'auteur. Oh, le droit maritime romain, et c'est paru aux presses universitaires de Rennes, et c'est paru, je crois, en 2004 ou 2005. Bon, écoutez, si la lecture est aussi claire que vos explications, 2004. Nul doute que nos auditeurs se raviront de découvrir cet ouvrage. Merci à vous d'être passé au micro d'Histoire Vivante. Mais c'est moi qui vous remercie de m'y avoir accueilli. Demain, la suite de cette thématique consacrée aux territoires maritimes et notamment aux coutumes ayant engendré le droit. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Isabelle Barthes et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.